Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, comme on a annoncé la semaine dernière, c'est la dernière émission de Puissance Maximale à CKIA FM. Et oui, une émission qui sera empreinte de nostalgie, de mélancolie et tout. Mais nous serons quand même heureux et joyeux pendant tout le long de notre émission. Une émission chargée comme à notre habitude. Monsieur Castegan va se joindre à nous un peu plus tard. Et je vous rappelle rapidement, tout en commençant, que Puissance Maximale, c'est d'abord un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à venir visiter notre site pour écouter nos anciennes émissions, lire nos nouvelles, écouter nos podcasts, aussi des entrevues qu'on a exclusivement sur le site. Vous pouvez également vous joindre à nous sur Facebook. Donc, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Et là, cette semaine, grosse émission, comme je vous ai dit, on va parler de jeux de plateau. On va vous parler de deux jeux qui s'appellent Dice Town et l'autre, c'est la Crique des Pirates, auquel j'ai eu la chance de jouer cette fin de semaine avec de bons amis à moi. Et également, Andrew a fait une sortie hors du commun. En fait, hors de l'émission. Habituellement, vous savez, nous sommes une émission ludique. On parle de jeux en tout genre. Mais là, en fin de semaine, Andrew a fait une petite sortie gastronomique et est allé se présenter en fait à Drummondville, parce que c'était le festival de la poutine, mesdames et messieurs. Il voulait aller se régaler, mais en allant là-bas, il a eu la chance de parler avec un groupe d'humour qu'on apprécie tous les deux beaucoup et que plein de Québécois apprécient, les Chicken Swell. Et oui, il a eu la chance d'aller leur parler grâce à notre amie Marie-Camille Carrier, qui est là à l'occasion à l'émission et qui connaît nos amis les Chicks. Donc, elle nous a arrangé ça pour une petite entrevue que je vais vous faire entendre tout de suite après la première chanson. Donc, vous allez pouvoir vous mettre ça dans vos oreilles et peut-être quelques nouvelles ludiques pour terminer le tout, si on a le temps. Et voilà. Donc, on va commencer en chanson, comme à notre habitude, avec une chanson des Chicken Swell. C'est une chanson, en fait, qui s'appelle « Yuppie ». Sur l'album Victor Racing, parce que oui, les Chicks ont fait de la musique. En fait, ils ont fait plus d'un album. En fait, ils ont fait deux albums, pour être bien précis. Et vous allez entendre quelques petites confidences pour des futurs projets du côté des Chicks dans l'entrevue qu'on vous envoie tout de suite après la chanson. Donc, je vous envoie ça tout de suite dans vos oreilles. Vous écoutez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Pas toujours vrai que l'alcool nous fait faire des affaires qu'on veut pas faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'hier j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Parce que ça, alors, ça se fait pas de le faire. Hein, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis pas sûr que je vais te le dire. Ben, je pense que je vais laisser faire. Ouais, dis-le, là, je t'en jugerai pas. Ok, vu que t'es mon chum, je peux bien te le dire. J'ai fait l'amour avec Yuppie. C'était vraiment cool. Ça m'a tenu au chaud toute la nuit. Il a fait l'amour avec Yuppie. Ça avait l'air vraiment cool. Je l'ai vu par le châssis. Hein? Mais voyons, qu'est-ce que tu dis là, man? Tu m'as vu faire l'amour avec Youpi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais c'est ça, Jean-Guy voulait pas que je t'en parle. Hein? Quoi, Jean-Guy, t'es là? De quoi tu parles? Mais j'étais pas vraiment avec lui. Il était plus en dessous du lit. Il y avait la place VIP, tu sais. J'ai fait l'amour avec Youpi. C'était vraiment cool. Ça m'a tenu au chaud toute la nuit. Il a fait l'amour avec Youpi. C'était vraiment cool. Je l'ai vu par le châssis. Mais moi, j'étais en dessous du lit! Mais pourquoi t'es en dessous du lit à part de ça? Ben, il y a juste moi qui fitais en dessous du lit dans la gang. Hey, de quoi tu parles dans la gang? Ben, la gang, là, les gens de ton quartier puis ceux des environs, là, ils étaient à peu près 40 là, ou 41, là. Je voyais mal à cause de la patte de lit. En tout cas, il y avait de l'air à avoir vraiment, vraiment du fun sur le bord de ton châssis. L'amour avec Youpi, c'était vraiment cool. Je l'ai diffusé toute la nuit. De quoi, là? C'est quoi, de diffuser toute la nuit? Ben oui, ma soeur dans Gaspésie va pas descendre, elle a pas trouvé de gardienne. Fait que ça se peut qu'il y ait une petite fuite. Où ça? Ben dans les carreaux sports. Sauf celle à côté du Centre Bell, parce que c'est aussi diffusé au Centre Bell. Quoi, pendant le match contre les Panthers? Ben oui. Oh oui, oh oui. C'est vraiment chien, là. Je pensais que je pouvais vous faire confiance, là, puis que vous étiez mes chums, là. Calme-toi. T'es encore en direct sur Internet. Quoi? Le monde entier m'a vu faire l'amour avec Youpi? Ben, juste ceux qui sont sur Internet. Ben, ça avait marché, là, t'sais. T'as reçu des messages du monde entier. We have seen you make a love with Youpi. It was very, very cool, yeah. Genial! Hemos visto an internet! Trong ta khô lâm bô bàn tay tinh tê chở vô chụp bi. Nông ta tốt tốt trong chặt khô nào tinh tinh internet. J'ai fait l'amour avec Youpi. Ouais, là. Quand je l'encrète. Nous sommes les Chicken Swell et vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Bonjour, ici Andrew Castegan en direct du Festival de la Poutine de Drummondville. On a décidé de se présenter pour cette 6e année, voir de quoi ça avait de l'air. Puis en même temps, on a croisé des célébrités connues par tous les geeks, les Chicken Swell. Donc, je suis avec Daniel, Francis et Ghislain. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Toi, Andrew, vous, les geeks? Ah, ça va numéro un. On a mangé de la poutine. L'estomac est plein. On n'a pas pris de bière, par exemple. On s'est gardé une petite gêne pour monter à Québec. Hein? Ben, tu devrais en prendre. Ça fait descendre la poutine un peu. Des fois, elle respire au niveau de l'estomac. Non, mais je l'ai gardé pour chauffer. Ah oui? Ah, ben, c'est deux bon. Jambes, tu conduiras avec, tes genoux. Ça va aider à la faire roter un peu. Ah, ouais. Donc, les gars, ben, on a vu votre introduction tantôt. Vous avez remercié les secondaires en spectacle. Puis, dans le fond, vous faites un peu les maîtres de cérémonie de cette soirée. Mais on... En tant que tel, on va plus parler de vous, les Chicken Swell. Pour savoir, premièrement, comme je vous dis, les geeks vous connaissent. Nous autres, on a une émission qu'on parle de jeux. On aime les jeux vidéo, les jeux de société. Dites-moi, les Chicken Swell, est-ce que l'univers ludique a eu une influence sur votre carrière, sur vos idées au niveau des sketchs? Ouais. En fait, on a souvent eu de certaines influences au niveau, mettons, comme Mario Bros. À un moment donné, on a fait des clins d'œil devant Mario Bros, le Big Ben. L'émission avec le jeu plate, le jeu plate, le jeu plate, le jeu plate. C'est un jeu de société qui était vraiment plate. Ouais, c'était une, un board avec une horloge dessus. C'était ça le jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de société. Sinon, c'est sûr que moi, je fais du karaté, mais... Les jeux de combat, j'adore ça. Assassin's Creed, des affaires de même. J'ai toujours aimé des jeux de combat. Même dans Chicken Swell, on avait des sketchs de karaté, puis on tripait un peu combat. Ouais, puis d'ailleurs, il y a un classique dans Chicken Swell qu'on avait écrit, c'était le syndrome de Pac-Man. C'était du monde qui était enfermé dans un sous-sol, puis il n'arrivait pas à sortir. À chaque fois qu'il sortait par une porte, il revenait par l'autre. Fait qu'il restait emprisonné dans sous-sol. La réponse à ta question, c'est oui, ça nous inspire. Mais sinon, en tant que tel, Chicken Swell, ça fait un peu plus que 20 ans, je crois, que le groupe existe. Mais tu sais, comme là, on vous connaît parce que vous avez participé à des shows, les galas Grand Rire, des choses comme ça. Vous avez eu la série qu'a eu Radio-Canada et tout ça. Mais est-ce que vous, ça a été un succès instantané quand vous avez commencé, ou vous avez commencé à aller dans des écoles, aller dans des cégeps, aller de faire un show dans une paroisse, où vous avez été au Grand Capitole de Québec? On a commencé en fait, moi puis Daniel, on était deux autres personnes. On a fait un spectacle à la Polyvalente de Boisé en 1990 pour payer notre limousine pour impressionner nos blondes. Puis ça a commencé le premier show-là, puis on a refait un autre show l'année d'après, un troisième, puis un quatrième. C'est ça, après, quand on a rencontré Gilles, on est allé dans des bars, dans tous les bars du Québec. On a fait des bars. Tourner bars et cabarets, là, c'est vrai. Et tape, gaffer tape. Ouais, on a même fait un spectacle durant le temps des fêtes dans un salon d'une personne entre le piano puis le sapin de Noël. On a fait un spectacle, là. On a fait un 25 décembre en plus, on n'était pas barrés. Hein? La 4 chemins, c'est ça? Oui, la 4 chemins. Puis sinon, en tant que tel, comme je disais, vous avez commencé à faire des galas, des choses comme ça, mais est-ce que c'est la série qui a eu lieu à Radio-Canada qui a fait en sorte que les Chicken Swells sont devenus plus connus, que les gens ont commencé à reconnaître le groupe que vous étiez, ou c'est vraiment, dans le fond, suite à ça, quand vous avez eu plus d'implication dans les festivals, que ça vous a vraiment fait connaître et apparaître? Parce que je sais que vous avez fait les Oliviers aussi une fois. Ouais, ben, la reconnaissance du public, la reconnaissance dans le milieu, elle existe depuis plus longtemps que celle du public. Je pense que l'émission 2001-2003, on a créé un fanbase. Il y a eu beaucoup, un gros bassin de vrais fans purs et durs. Puis là, les Oliviers nous ont permis d'agrandir plus notre bassin. Ouais. Là, on est plus grand public, peut-être. Le monde, on dit, ils sont pas si bizarres que ça, finalement. Effectivement, c'est ça. Ils sont moins fous qu'ils ont de l'air. On pensait qu'ils étaient fous, puis là, en écoutant, on se rend compte que c'est pas si pire. On ment bien psychologiquement. Finalement, ils s'en ont sortis. C'est ça, ils sont venus à Québec, puis Robert Giffard sont pas venus les chercher. C'est correct. Ils sont sains. Ils ont réussi à se payer des thérapies. Ça va bien. Puis sinon, en tant que tel, on sait que vous avez fait des CD de musique. Je crois que vous êtes à deux albums, si je me trompe pas. Est-ce que vous avez des idées pour peut-être faire un troisième album, vous lancer plus loin dans la carrière musicale, ou vous en tenez quand même vraiment humour avec vos chansons dans vos sketchs, puis ça reste à ce niveau-là? Nos sketchs. Sinon, moi, je suis en train d'enregistrer un album de chansons absurdes de Daniel. Dans le fond, Daniel Grenier, que ça va s'appeler « J'ai un poussin sur la tête ». Fait que je fais ça. Par Francis, lui, il écrit un film. Justin fait des voix. Moi puis Justin, on a un projet aussi. C'est qu'on fait un album. C'est les reprises de chansons de Daniel. Ouais. Ils attendent que mon album sorte, par exemple, pour qu'il puisse faire un peu d'argent. Parce qu'apparemment que des albums de reprises, ça marche en tabarnouche. Fait que... Ils veulent prendre la vague, dans le fond. Ils vont voir si l'album marche. Ils vont faire parfait. On va reprendre les chansons. C'est de Daniel. Ils vont prendre les tunes des trois accords. Ça va marcher. Puis sinon, en tant que tel, il y a eu un spectacle qui est sorti en DVD des Chicken Swell avec le très charismatique cochon. Que les miens, les yeux ont décollé, malheureusement. Mais c'est pas grave. Il reste charismatique pareil. Est-ce que vous avez une autre tournée qui est en projet pour d'autres spectacles? Est-ce que vous prévoyez revenir dans la région de Québec prochainement, mais on est présentement en écriture pour un prochain show qui devrait sortir ultimement au mois d'octobre, novembre 2014. J'aime ça, ultimement, ça a l'air ça a l'air hot. Oui, c'est ultime. Il n'y a pas de recul. Est-ce qu'on va avoir un petit bandeau en dessous du nom du spectacle écrit Ultimate Edition? Certifié Ghislain. C'est une bonne idée. Maintenant qu'on en parle, je pense que c'est une bonne idée. T'es le poster, faites une pochette de jeu. T'sais, on a parlé c'était d'inspiration au jeu, vos sketchs. Faites ça, mettez un rating de la ESRB. Puis là. Ben, c'est vrai, sur notre poster, il y avait un rating, c'était A. Pour ce spectacle contient de l'absurde. Mais vous savez qu'à l'automne, à radiocanada.ca, il y a une série web, un jeu interactif qui sort. Mais tu sais, ça nous a inspiré parce que c'est un jeu. Finalement, les gens qui trippent sur les geeks, ils vont tripper parce qu'il faut qu'ils aident l'enquêteur à retrouver les Chickenswell qui sont disparus. Fait qu'il faut que tu diriges l'enquêteur, que c'est une enquête, il faut que tu ramasses des objets pour pouvoir plus tard. Ces objets-là vont t'aider à faire parler du monde dans l'enquête, fait que ça va être pas pire. Non, c'est ça, j'avais vu ça, j'allais justement vous demander cet automne, il y a une série, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est déjà fait. Daniel, tu m'as volé une question. Non, mais c'est comme Géopardi. Là, je pourrais pas mettre la toune dans le montage. Je suis déçu. Les gens le feront à la maison. Ah, c'est ça, ils le feront. Ils se le font dans la tête. Au pire, là, on mettra un petit intermède là, pour leur rappeler. Et sinon, est-ce que vous avez la web-série que vous parlez, dans le fond, à Radio-Canada? Là, il y a l'album que tu parlais, le poussin sur la tête, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une idée, peut-être, d'une autre série, comme la culte à Radio-Canada qui est en projet? Est-ce que vous pensez, peut-être, à un moment donné, vous relancer dans l'aventure d'une série télé absurde où c'est en arrière, c'est fait? On aimerait ça. On aimerait bien ça. Oui, en fait, on a eu quelques projets là, qui ont été commencés, mais qui n'ont pas abouti. Mais il y a toujours, en fait, nous, c'est sûr qu'on triperait à en faire. Là, à un moment donné, c'est plate, mais il y a toujours une question de production aussi qui s'inclut dans ça. Alors là, présentement, en fait, c'est juste de trouver, je pense, le bon concept qui va faire que le producteur et le diffuseur vont s'entendre. C'est ça. Parce que notre projet, on voulait faire comme un genre d'espèce de pastiche de César et les chiens. Nous autres, c'était avec les lions. Puis ça a pas marché. Ça coûte cher, avoir des lions. N'importe quoi, il dit n'importe quoi. Mais tu dis quoi? Je pense que... Qu'est-ce qui pourrait être cool? Ça serait qu'on fasse... Nous sommes les Chickenswell et on a du budget. Vu qu'on est rendu là. Fait que là, il faudrait qu'on fasse ça. La prochaine émission, ça soit ça. La même tune, mais on a du budget. Je pense qu'on devrait faire ça. C'est George Clooney qui chante la chanson. C'est bon, dernière petite question pour vous, les Chickenswell, parce que le temps file, malheureusement. Ah, c'est du temps de qualité, mais ça file. Mais dernière question. C'est une suggestion et question, savoir votre opinion. En fait, nous autres, Puissance Maximale, on regarde souvent les projets, puis on apprécie beaucoup les crowdfunding, un peu comme Kickstarter. T'sais, on parlait d'une nouvelle série, on parlait de coûts de production. Kickstarter s'en vient au Canada. Je sais pas si vous le saviez. Je vous donne l'annonce, Ghislain. Mais est-ce que ça serait peut-être quelque chose que vous pourriez songer, faire une série entièrement disponible sur le web pour vos fans, mais financée par vos fans en proposant un sujet sur le crowdfunding? Ça pourrait être une idée. La série, on a fait un Kickstarter au début qui n'a pas fonctionné à cause de certaines... c'est en septembre qui est en ligne. Le Kickstarter? Oui, présentement, c'est un pré-Kickstarter. Non, mais on n'aura pas de Kickstarter, Ghislain. Bon, ça y est, je suis en train d'apprendre quelque chose que je ne savais pas encore. mais c'est une bonne idée. c'était un... Comment on appelait ça? Un Kickstarter. Un Kickstarter. Puis c'était ça le but, de ramasser certaines... collecter un peu de l'argent pour faire justement la série, mais on a réussi à... Mais c'est une question de bonne idée, en tout cas. Ben parfait. Ben merci beaucoup, Daniel, Francis et Ghislain. On espère que les Chickenswell vont continuer encore des années, que la formule s'épuisera pas. Pis on espère vous revoir sur nos petits écrans, parce qu'on aime bien ça, les sketchs. Moi, j'ai tous vos DVD, puis je me tente pas à les écouter. À Saint-Fortunat, Jean-Marc Côté et Clément Côté avaient le même nombre de voix. A fallu checker ce que la loi de Saint-Fortunat prévoyait dans ce colonne. C'était clair, le maire serait celui des deux avec la plus grosse queue. Fait que le jour suivant, tous les habitants se rendirent à l'auberge pour voir lequel des deux ciboires avait la plus grosse verge. Au premier rang, il y avait les fifres reconnaissables à la moustache sous leur pif. Il y avait les femmes au rang second reconnaissables à leur totem. Soudain, Madame la Montagne arrive à l'auberge avec sa règle à mesurer les verges. C'est l'heure de boire des beaux bâtons gras à Saint-Fortuno. Ooh, yeah! Confiant déballe le premier son cadeau de vin invité. Tout le monde est déçu, c'est une petite joufflue, le bout tout couvert de pu. Jean-Marc sort la sienne, le monde est dubitatif, ça a tout l'air d'une graine de fif. Tout autour d'elle, les mouches se hasardent et elles sont fort la marde. Les fifs sont contents de ce coming out, mais Jean-Marc dit wow avant que les rumeurs partent. Il n'y a pas que les tapettes qui s'engouffrent dans les arrière-gouffres. Vous demanderez à Madame la Montagne et la dame de rougir comme une tomate d'Espagne. Ben voyons madame, y'a pas de mal à ça, même à Saint-Fortuno. Oh yeah! Real country. La danseuse du coin qui veut y mettre du sien enlève sa brassière neuve. Tout le monde lève son verre à la belle grosse paire, mais y'a pas que les verres qui lèvent. Madame la Montagne profite du momentum pour mesurer ses deux hommes. Mais Clément qui est éjaculateur précoce, il vide d'en face ses gosses. Oh ben tabasse lac, ça c'est pire qu'une claque. Tellement que de classe et aussitôt Jean-Marc, l'adversaire de celui qui est trop vite en affaire, est déclaré maire. Alors Madame la Montagne et le pauvre Clément se réconcilient sur le champ. À santé du gagnant, il se colle une tequila sans rancune à Saint-Fortuno. J'suis allé quelques fois à Saint-Fortuno pour donner des shows. Le monde est bien trop sous, mais c'est pas bien grave, nous autres aussi on est bien chaud. Reste que c'est un maudit beau village où il fait bon s'arrêter en voyage. Avec ses bisons, son festival, son auberge, son théâtre, ses poules, ses vaches. Puis ça tourne dans le bois, on dit hurrah pour Saint-Fortuno. Hurrah! Le cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une entrevue de M. Andrew Castegan avec les Chicken Swell. Et oui, mesdames et messieurs, M. Castegan est en studio avec moi. Oui, maintenant vous pouvez entendre ma voix sensuelle. Et oui, Andrew, écoute, en marge de cette entrevue, je voudrais savoir comment ils sont les Chicken Swell en personne. Super sympathique. Parce qu'on remarque dans l'entrevue que t'es tutoie, là. Ben oui, en fait, je suis arrivé, puis j'avais commencé par vous voyer, puis donc, en fait, salut Andrew, comment vas-tu? Tu vas bien? Et j'ai fait, oh, ok. T'as compris le message? Moi, ouais, oui. Quand quelqu'un met l'emphase sur le tu, généralement, c'est signe. Je comprends. Mais super entrevue. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir fait ça pour nous, parce qu'effectivement, il y a une partie de l'imaginaire et de l'inspiration des Chicken Swell qui est d'origine ludique. Ben oui, ben finalement, je leur avais posé la question, puis avant l'entrevue, là, pour comme leur donner une idée sur quoi que l'entrevue allait passer. Puis ils ont comme fait un petit. Ben, ludique, on n'est pas de temps, là, t'es Francis joue, puis c'était Daniel qui parlait, là, puis là, Daniel était comme, ouais, moi aussi, je joue à quelques jeux de combat, puis là, finalement, je leur pose la question, puis pendant qu'ils énuméraient les inspirations, en fait, ben, finalement, le sketch, la réponse à ta question, oui. Et voilà, ben, Daniel, d'ailleurs, qu'on entend souvent dans l'entrevue, qui a l'air un bon public, bon rieur, c'est, bref, une excellente entrevue. Merci, M. Castegan, d'être allé te bourrer dans la poutine pour toi et d'avoir fait cette entrevue pour nous. Oui, ben ça a été un plaisir. Puis j'espère avoir l'occasion de reparler à Daniel. On sait jamais. Puis s'il vient faire un show un moment donné dans le coin de Québec, on les recontactera. Tout à fait. Puis tu auras peut-être la chance de leur parler. Peut-être avoir une petite performance live de musique. Peut-être. Qui sait? Qui sait pas. Alors, M. Castegan, d'ailleurs, tu n'étais pas là au début, donc je vais te poser la traditionnelle question. Comment ça va? Ça va super bien. J'étais allé travailler dans des fils toute l'après-midi et j'ai failli partir un feu, mais j'ai réglé ça. Ah ben écoute, au moins t'as réglé ça. Ouais, ben une power bar qui fait un spark juste parce que le fil est cassé, c'est merveilleux. Ah ben écoute, si c'est réglé, c'est ça l'important. Oui. Et là, on va y aller, mesdames et messieurs, avec une critique de jeu. En fait, une des deux jeux. Moi qui pensais que t'allais me demander comment le Festival de la Poutine avait été. Bon, on va s'en reparler tantôt. Ben en fait... Je sais, mais... Sinon, tout de suite, tant qu'à ça, là, on parle... Ben, parce que je n'ai pas tant à parler. Je sais que toi, des fois, tu t'emportes dans tes critiques et, tout à fait. Ça peut durer des heures et des heures. Voilà. Mais en fait, petit événement, c'était sixième année. que le Festival de la Poutine avait lieu. Si vous ne le saviez pas, c'est les Trois Accords qui ont créé le Festival de la Poutine de Drummondville. Ah ouais? Et oui, monsieur. Ils font des, ils font faire des émeutes à Blainville et des festivals de poutine à Drummondville. Voilà. C'est merveilleux. Puis, je dirais, en tant que tel, ce n'est pas un très gros événement. Il n'y avait pas de la poutine à perte de vue. En fait, il y avait cinq patateries. C'est-tu comme ça que ça s'appelle? Ben, poutinerie? Ouais, poutinerie. Mais bref, t'es cinq kiosques qui faisaient de la poutine. Et il y avait un concours pour voter laquelle était la meilleure. Moi, j'ai eu l'occasion d'en essayer deux et piquer une bouchée dans celle de Julien. Fait que j'ai goûté à trois poutines. Ben, je pense qu'une que t'as goûtée a été nommée meilleure poutine du festival, celle au foie gras et au vin rouge. Oui, mais ça n'a pas été ma préférée. Non? Non, c'est... je trouvais que la sauce, ça coûtait un petit peu trop le vin rouge, justement. Mais elle était très bonne, par exemple. J'enlève rien au niveau de ça. En fait, il y avait une poutinerie qui était bien standard, qui faisait des poutines comme on est habitué de voir. Il y en avait une qui mettait de la saucisse artisanale dessus. J'aurais bien aimé ça y goûter, mais malheureusement, j'avais plus faim. Ouais, c'est ça. OK, c'est pas des portions, genre dégustation. Non. C'est genre 6,50 la poutine, puis c'est une poutine régulière. Là. Oh, OK. Ben, ça serait peut-être... Ben, une mini poutine. Mettons, vous allez au Washington, prenez une mini, là, ben c'était ça le format. OK, ben ça serait peut-être... Ben c'est lui prix un petit peu pour avoir des versions de dégustation pour goûter à tout sans fendre. Ouais, mais ça coûtait sur 3 jours, fait que le monde devait prendre en considération que le monde, il venait sur 3 jours. Ouais. Mais c'est à cause que quand tu viens de Québec, tu descends pas 3 jours de temps, là, t'sais? C'est ça. Surtout pour moi, juste manger la poutine. C'est ça. Puis il y en avait un autre que c'était une place majoritairement à taco à la base, qui faisait de la poutine avec des carrés, des cubes de patates douces. Oh. Avec du fromage en crotte très, très mince. Et il y avait une genre de sauce semi-salsa, crème sûre et coriandre. Ah, ça doit pas être mauvais, ça. Sinon, c'était très bon. En fait, ça a été la préférée de Marie-Camille, qui en a pris 2 portions. Ça doit être c'est de la fraîcheur, ce genre de sauce-là. Ben, c'est ça. Il y avait la poutine que tu as parlé. Il y avait aussi une autre poutinerie qu'eux, ils faisaient de la poutine régulière, mais c'était avec de la sauce fumée. Oh, ah, c'est pas dangereux un peu. Dans le sens où des fois le fumé, ça prend toute la place dans la bouche. Puis on non, mais moi j'ai trouvé que c'était bon. Okay. Puis il y en avait une autre qui était un autre endroit qui faisait de la poutine régulière, genre avec hot dog et hamburger et compagnie. Ah, mais de la poutine régulière, selon moi, le secret de la sauce. Voilà. Et après ça, quand on a des bonnes frites, ça aide. Puis le fromage, de toute façon, il n'y a pas de secret dans le fromage. Ça prend du fromage frais. Habituellement, quand. C'était tout du fromage frais. Moi, le fromage que tu as une bonne fromagerie dans ton coin, c'est pas trop difficile d'avoir du bon fromage. La sauce, ça, c'est autre chose. Ben c'est ça, mais je vous dirais que c'est à peu près 20$ pour l'entrée pour une journée. Je vous dirais que si vous aimez les. C'est sûr que vous n'allez pas au Festival de la Poutine juste pour la poutine. Il y a des spectacles, des choses comme ça. Nous autres, on est allés le samedi qui était plus la journée familiale. Là, fait que c'était un spectacle genre secondaire en spectacle par Arthur l'aventurier puis tout ça. Fait que c'était un petit peu moins intéressant pour nous autres, mais il y a eu Lisa Leblanc, il y a eu les Cowboys fringants. Puis, ben Lisa Leblanc que j'ai vu en show d'ailleurs au Festival d'été qui donne un sacré bon show. Ouais, mais elle était venue faire un show un moment donné à Saint-Romuald, paraîtrait effectivement. Ça brasse, ça rock vraiment. On pense que c'est du petit country. Non, ça brasse pas mal. Là. C'est ça. Fait que si vous aimez la musique québécoise francophone, c'est des gros shows de ça ou à Drummondville. Fait que je vous encouragerais à aller faire un petit tour. Sérieusement, c'est un petit événement bien sympathique. Puis si on est encore invité l'année prochaine, moi, je vais retourner faire un tour. Aucun problème avec ça. Là, cette année, j'avais... parce que je suis pas allé au festival, j'ai pu tester des jeux. Donc, pour l'émission, ça a été bénéfique pour nous deux. Mais disons que l'année prochaine, j'aimerais ça aller faire un tour également. Mais de toute façon, à force d'en parler, j'aimerais ça qu'on y aille justement vers ces jeux-là. Un jeu d'ailleurs j'aimerais beaucoup essayer avec toi, Andrew. On va commencer par un jeu qui s'appelle Dice Town. Donc, comme vous pouvez comprendre... Ça implique des dés. Des dés, effectivement, un jeu de dés et de cartes. Un jeu, en fait, qui est sorti en 2009 des créateurs du nom de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc. Un jeu qui dure environ une trentaine de minutes pour une partie de 2 à 5 joueurs. Ça peut être plus long. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Donc, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, un jeu de dés et de cartes. Le principe, c'est que les dés représentent des figures sur les de cartes à jouer, de 9 à valet. Donc 9, 10, pas de 9 à valet, mais de 9 à as. Donc 9, 10 valets, reine, roi et as. Et on va jouer au poker finalement avec ces dés-là. OK, c'est un genre de poker format D. Format D, mais c'est dans un contexte du Far West. Donc, comment ça... On est chacun... Donc, faut tuer des gens? Non, en fait, c'est un contexte, c'est vraiment genre... c'est vraiment un contexte pour qui nous donne une thématique. C'est ça, c'est une thématique plus qu'un vraiment une incidence sur le jeu. En fait, ce qui arrive, c'est que vous allez brasser les dés au début d'un tour. En fait, tout le monde va brasser tant qu'il n'y a pas une personne qui va annoncer que le prochain tour est le dernier tour de dés. Donc, dans le sens où on lance les dés, on commence la partie avec un certain montant, je pense que c'est 8$. 8$ chacun, il y a de l'argent dans le jeu. Il y a des trucs qu'on peut ramasser, il y a des cartes au magasin général qui donnent certains pouvoirs. On va appeler ça comme ça. Doubler l'effet d'un truc qu'on peut faire en jeu. Voler de l'argent, voler des cartes. Donc, on peut ramasser ça dedans. Et des trucs aussi qui vont donner des points de victoire parce qu'évidemment, on gagne le jeu. Celui qui gagne le jeu, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui peut être retrouvé sous forme de cartes de points de victoire, de cartes du General Store, de l'argent ou en pépites d'or. Donc, une pépite d'or égale un point de victoire, 2$ égale un point de victoire, et il y a différentes cartes avec différents pointages. C'est-à-dire qu'on commence avec 4 points de victoire. C'est ça. Théoriquement, c'est ça, mais l'argent sert à quelque chose parce que vous lancez vos dés. Quand vous lancez vos dés, vous n'avez le droit de garder qu'un seul dé. OK. Donc, si vous voulez garder plus d'un dé, vous devez payer 1$ par dé. Ça va très vite. Ça se dépense très vite. OK, c'est dur de garder son 8$ de départ. Oui, c'est ça. Disons que j'arrive, début, j'ai 5 cases. Ça, c'est la meilleure main qu'on peut pas avoir. Ben, je vais dépenser le 4$ qu'il me faut pour garder les 4 dés supplémentaires à celui que je garde automatiquement. Donc, on dépense de l'argent comme ça. Il y a des cartes qui permettent aussi, pour un tour, de ne pas dépenser d'argent pour garder vos dés. Il y a ça aussi. Ça, cet argent-là que vous dépensez va dans une banque. Donc, tout le monde brasse ses dés. Et après ça, ce qui se passe, c'est qu'on y va avec des cases. En fait, le board n'est pas très gros. D'ailleurs, c'est des belles pièces de qualité. On brasse nos dés dans des bols, des petits bols bruns. Juste ça, c'est le fun, là. Vraiment des trucs pour brasser les dés. Tout le monde en a un. On met ça, top, tu dirais que c'est à la table. C'est vraiment un effet le fun. En plus, ça rajoute une petite couche de mystère parce que tu sais pas qu'est-ce que t'as tiré. Ben, il faut, ouais, ça. Puis il faut pas montrer nos dés tout de suite. En fait, les seuls dés qu'on va montrer aux gens après le premier tour, c'est ceux qu'on garde. Après ça, ben, on rebrasse. Puis on met toujours ceux qu'on garde après pour que le monde fasse. Ça va pas bien, lui. Donc, il y a un petit côté bluff. Pas tant. C'est parce qu'ils vont les voir. C'est surtout c'est de savoir la stratégie. Parce qu'il y a quand même de la stratégie. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'après, disons, là, on lance les dés. Puis la manière dit, il y a quelqu'un qui a une main pleine. Il dit, dernier tour. Ça fait que là, les autres vont jouer leur dernier tour pour obtenir leur main. Et après ça, vous avez sur le board, vous avez des cases, des grandes cases où finalement se trouvent des bénéfices. Donc, celui qui aura le plus de 9 dans sa main, lui va récolter le nombre de pépites égal au nombre de 9 qu'il y a dans son jeu. Donc, disons que tu lances tes dés, tu as un brelan, donc 3 dés pareils, donc 3 9, mais tu vas ramasser 3 pépites. Ce sera ton avantage. Celui qui a le plus de 10 va ramasser la banque. Donc, tout le tour où tout le monde dit « Ah, moi, je vais garder mes 4 qui a dépassé de l'argent pour garder ses dés, finalement. » Mais tout cet argent-là, ben c'est celui qui a le plus de 10 qui va le garder, quand on va arriver à ce tour-là. Après ça, ça va être le plus de valets. Ça va vous donner la possibilité de piger des cartes au General Store. Et ça va être, tu vas piger le nombre de cartes égal au nombre de valets que tu as, sauf que tu en gardes une. Tu gardes la meilleure, finalement. Mais tu as le droit de choisir. Ça fait que si tu as un chevalet, ben, tu prends la première, tu gardes celle-là. Si tu en as 4, tu en piges 4, tu check, tu gardes celle que tu veux. Tu renvoies les autres à la pioche. En fait, dans le paquet de ce qu'on appelle discard en anglais, mais le nom français ne me vient pas. La défausse. Voilà. La pile de défausse, merci. Et tu gardes la meilleure. Après ça, les reines, tu as le droit, par reine que tu as dans ton jeu, d'aller regarder les cartes. Ça peut être soit les cartes de points, parce que ça, on les garde face cachée, ou les cartes du General Store. On va regarder le nombre de cartes d'un adversaire qu'on choisit, puis on choisit celle qu'on veut garder. On garde juste une. Le roi, celui qui a plus de roi, ben, il va devenir shérif. Et le shérif, ce qu'il fait, c'est qu'il brise les égalités. Donc, disons que moi et Andrew, on fait un tour. On a tous les deux 2-10. Donc, on peut savoir qui est-ce qui va avoir l'argent. Mais le troisième joueur, qui sera shérif, va pouvoir décider. Mais on peut le soudoyer. Donc, bon, vous m'offrez quoi? Ah, je t'offre des pépites, je t'offre de l'argent. On peut offrir, genre, ah, je t'attaque, je te ferai pas chier au prochain tour, des trucs du genre. On peut négocier avec le shérif à ce niveau-là. Donc, ça peut être. Puis, évidemment, quand on est shérif, puis il y a une égalité, puis on est là-dedans, mais évidemment, ben, c'est nous autres qui gagnons automatiquement. Là. Habituellement, on veut avoir l'avantage. Donc, c'est ce que ça donne être shérif. Ben, moi, je suis tellement généreux. Moi, ça, on n'aura pas besoin de te soudoyer. Moi, je serais un shérif exemplaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, la justice avant tout, c'est une égalité. Je regarde lequel les deux fait le plus pitié. Puis, je vais dire. Ben, c'est arrivé parce que la première fois que j'ai joué, c'est ça qui est arrivé. J'ai vraiment pas été loqueux. Puis, le monde me sentait pas comme une menace. Fait qu'ils m'ont comme pas fait chier pendant la partie. Puis, ils m'ont laissé aller. Puis, j'ai peut-être pas d'armes, mais je suis un être juste. Quand même. Et après, le roi, ben, c'est la meilleure. On va voir qui est dans la gang qui a la meilleure main. Et là, il y a 3 cartes de victoire avec des points. Vous prenez celle qui est en bas et c'est à vous. Mais si dans votre meilleure main, vous avez aussi des as, vous ramassez une carte supplémentaire de points de victoire par nombre d'as que vous avez. Donc, si vous avez votre meilleure main, c'est une main pleine avec 3 as dedans, ben, vous ramassez toutes les cartes, les 3 cartes qui sont sur le board, puis là, on en met 3 nouvelles. Après ça, si dans tout ça, vous n'avez rien réclamé, ben, vous avez le droit de faire quand même certaines actions selon les dés que vous avez. Vous avez la possibilité de, entre autres, vous pouvez protéger 2 cartes de points de victoire que vous avez. Ça fait que vous décidez, je peux pas me les faire voler, vous les gardez jusqu'à la fin de la game. Ça peut être vraiment pratique. Vous garantissez des points de victoire qui peuvent pas changer. Sinon, vous avez la possibilité de piger une carte du General Store. Vous avez la possibilité de demander 2$ par joueur ou une pépite par joueur. C'est ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas, bénéficié des nombreux avantages dont je vous ai parlé sur le board. Et quand tout ça est fait, on recommence à brasser et la partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de cartes victoire sur le plateau ou s'il n'y a plus de pépites, ben après ça va être le tour d'après sera le dernier. Et après ça, ben on compte nos points de victoire et celui qui a gagné, celui qui a le plus de points de victoire va gagner. Tout naturellement. Simplement. Donc c'est un jeu efficace, simple. On est en fin de soirée, on avait passé la journée dehors, on est allé souper un petit peu arrosé. C'est un excellent jeu en gang, comme ça, là. Ça dit qu'on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Il recommande 4. Effectivement, à 4, ça va très bien. Sans faire, je ne l'ai pas essayé plus bas ni avec à 5 non plus, mais à 4, ça se joue très bien. Ça peut être rapide, ça peut être un peu plus long. Comme je dis, il y a des tractations avec le shérif, mais quand même, un excellent jeu. J'ai vu ça à 20$. Ça peut monter à 35, tout dépendant des endroits. J'ai regardé sur Internet un peu tantôt. Donc, je vous rappelle le titre, Dice Town. Allez-vous chercher ça en magasin. D'ailleurs, ça me fait penser. Il me semble que j'ai déjà vu la boîte. La boîte, elle a aussi une étoile de shérif dessus. Oui. Ah, ben c'est le jeu que je crois. Ça vaut vraiment la peine d'aller vous chercher ça. C'est un excellent jeu, justement, de fin de soirée. Ou, justement, un petit jeu, là, c'est 30 minutes, c'est vraiment pas long. Puis, vous pouvez en jouer plusieurs comme ça. Puis, ça va changer vraiment d'une game à l'autre. C'est sûr qu'il faut que les dés roulent pour vous autres. Ça, c'est sûr et certain. Il y a ce côté chance-là, mais il y a quand même de la stratégie, puis il faut penser à ce qu'on fait, à comment on joue nos cartes, à comment on va négocier avec le shérif, à voir comment les autres jouent. Il faut quand même penser à tout ça. Donc voilà, c'était Dice Town. Allez vous chercher ça dans votre magasin le plus rapidement possible. Et on va y aller en musique, M. Castellan. Tu m'as pas dit c'était laquelle. T'as le choix entre Puissance Maximale ou Mon Ancêtre Gurdil. Ce sera Mon Ancêtre Gurdil, parce que Puissance Maximale sera la dernière chanson qu'on va vous faire jouer. Par nostalgie. Est-ce que je viens de dévoiler un secret ou... Non, pas du tout. J'en avais même parlé à M. Pierre Courtemanche, un auditeur qui m'avait demandé ça la semaine passée. J'ai dit on va passer ça pour la dernière émission. Mais on va y aller avec mon ancêtre Gurdil, du Nail Band. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Ouais, sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Ghibli, chauffe. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Y avait soi-disant du mitril. Si on avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Eh, vas-y, on voit les tambours. Arrière, tu n'es pas bienvenu. Lui lui dire les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondines bleues bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Ah ben ça c'est sûr, hein. Courant à train vers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Curdil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis, allez patron, resserre donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Hi, I'm Alexei Pajitnov. I'm creator of Tetris, and you are listening to Sans Maximal. Et oui, un autre morceau de nostalgie avec Alexei Pajitnov que Monsieur François Gécouillard, grand Manitou, avait interviewé de ça quelques années. Ça fait que c'est un autre morceau de nostalgie pour notre dernière émission. Mais là, on y va avec une autre critique d'un jeu de société. Et ça s'appelle La Crique des Pirates, un jeu qui date de 2002. Je pense à ça, Michael. Oui. C'est vrai qu'on est nostalgique. C'est la première fois depuis qu'on a pris la barre que le jeu de plateau prend plus de place que le jeu vidéo dans l'émission. Oui, effectivement, c'est un petit clin. Ben, pour vrai, j'arrange ça un peu pour que ça fit. Habituellement, on est très jeux vidéo, on parle de tout, mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'on y allait vraiment à l'ancienne. Et justement, avec la Crique des Pirates, donc jeu qui date de 2002, 3 à 5 joueurs, c'est vraiment le fun, il y a vraiment tout plein de joueurs, donc le maximum. On parle des parties de 1h à 1h30. En fait, le but, c'est après 12 mois, donc 12 tours, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne, tout simplement. Et comment on obtient des points de victoire? Eh bien, vous allez l'avoir grâce, en fait, quand vous allez aller piller des îles, parce que le jeu, comment il est fait, en fait, c'est que vous commencez dans une crique, et il y a des îles autour de cette crique-là, où vous allez vous rendre pour soit améliorer votre bateau, parce que vous avez un bateau avec des statistiques, qui est la voile, l'équipage, les canons et la coque. Et vous devez améliorer ça avec la voile. Plus elle est haute, plus vous êtes rapide. Donc en combat, vous jouez en premier. L'équipage et le canon, il faut que vous montiez ça en même temps pour pouvoir avoir plus de dés pour attaquer. Et la coque sert à traîner plus de trésors lors de vos voyages. Donc ça, vous allez ramasser sur les îles où vous allez. Donc il faut améliorer votre bateau. Et grâce à ça, ben, vous êtes plus performant en combat et aussi lors de vos pillages. Donc en pillant les îles, vous allez devoir aussi aller enterrer les coffres que vous ramassez. Parce que quand vous ramassez des coffres sur des îles, en fait, sur chaque île, vous tournez à chaque tour une carte. Et sur cette carte-là, c'est inscrit ce que vous trouvez sur l'île. Soit des pièces d'or, soit des trésors. Vous allez également trouver, avoir des points de victoire. Et un quatrième élément qui m'échappe, malheureusement. Je me rappelle pas c'est quoi. Sera fusillé. Ouais, c'est ce que je me dis. Comme le veut la tradition. Comme un pirate sur la planche. Mais dans le fond, c'est un jeu où on fait de la piraterie. Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça. Là, après avoir enterré vos coffres, vous pouvez également gagner des combats. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un tour débute avec la navigation. Tout le monde a une petite roulette avec une flèche et vous allez choisir en secret où est-ce que vous voulez aller. Ah, ça fait penser un peu à la façon que le jeu de figurines X-Wing fonctionne. Et là, si vous allez sur la même île que vos camarades, ben vous allez devoir vous battre. Et celui qui va gagner, ben va couler l'autre. L'autre qui va perdre, certains qui va perdre en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur son bateau? Ben pas tout au complet. Donc disons, ça c'est un choix que tu peux faire. Disons que j'arrive avec toi, ta coque est moins montée que les autres éléments, mais je vais pouvoir te couler plus rapidement si j'attaque directement ta coque. Donc, dès qu'il y a un élément qui tombe à zéro, ben tu coules. Ça peut être ta voile, tes canons, ton équipage, whatever. Mais ce que je peux faire, disons que je suis vraiment fort puis je veux te faire chier, ben je t'attaque à différents éléments tout au long. Puis là, quand tu rends à la fin, je te coule. Quand tu reviens à la vie, ben ton bateau, ben il est scrap de partout. À la place d'être juste scrap dans ta coque, puis tu garderais tes autres updates. T'sais. Il y a aussi ce côté stratégie-là lors des combats. Et après, gagner des combats, c'est ça, vous gagnez un point de victoire. Et il y a des cartes renommées que vous allez piger sur l'île de la taverne qui peut vous donner des points de victoire également. Une question, Michael. Oui. Je viens d'avoir le flash pendant que tu parlais. C'est à cause que tu tombais, mettons que tu arrives sur la même île qu'un autre de tes compères, c'est obligé de te battre. Est-ce que ça s'applique aussi si tu rentres en collision avec un autre bateau? Ben, tu peux pas vraiment. En fait, comment ça. Tu vas directement, il n'y a pas vraiment de manœuvre à faire. Tout le monde, à chaque tour, vous retournez à la crique. Puis vous allez direct à l'île. Il n'y a pas vraiment. Ah, OK. Dans le fond, c'est on choisit secrètement l'île sur laquelle qu'on va. C'est ça. Ah, OK. Donc, il n'y a pas de quadrillé avec le nombre de cases. Il n'y a pas de mouvement à faire. Ah, OK. Vous allez bouger votre bateau à l'île où vous allez, mais ça, il n'y a pas vraiment de mouvement pendant ce temps-là. C'est direct à l'île, d'attente. Ah, mais parfait. Et ce qui peut arriver aussi comme menace, comme combat, c'est qu'il y a des pirates célèbres qui se promènent sur la carte. Et à chaque début de tour, on va lancer un dé pour savoir sur quelle île ils vont tomber. Et nous autres, on avait pogné Barbe Noire, qui était vraiment trop fort. Là. Il y avait 6 dés à l'attaque. Au début, habituellement, quand tu montes un peu ton bateau, t'as 3. Donc, pour toucher l'ennemi, il faut pogner 5 ou 6 sur son dé. Lui, il avait 6 dés, il avait 8 points de vie, qui est beaucoup, vraiment beaucoup, et il y avait 28 de voile. Donc, le maximum, c'est 10, je crois. Donc, c'est ça qui gagne, c'est ça qui commence, qui attaque fort, puis il est très résistant. C'est ça, c'est un genre de. Il faut l'attaquer à 2. C'est pour vous donner une idée. Donc, puis il y en a d'autres types qu'on n'a pas vu, on a fait une seule partie. Et il y a aussi la Marine Royale. Qu'avec une carte, on peut envoyer sur nos ennemis qu'on va contrôler pendant des combats, qui peut venir nous aider ou qui peut nous attaquer sur une île si un de nos ennemis l'envoie là-bas. Donc, en gros, c'est vraiment ça, c'est simple. Mais le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'est si ça va mal, vraiment mal dès le début, ce qui m'est arrivé, c'est plate un peu. Écoute, c'était pas ta soirée, en fait. J'ai vraiment pas été chanceux sur les dés, mais c'était le fun. Le jeu est vraiment le fun, mais disons que moi, au début, je me suis vraiment fait rentrer dedans, autant par mes amis, parce que là, on tombait sur la même île, puis là, ils m'attaquaient parce qu'ils étaient plus forts que moi, parce que le tour d'avant, mais là, c'était Barbe Noire qui m'avait pris deux tours en l'eau. Ce qui fait que quand ils nous pointent, quand on meurt, ce qui arrive, c'est ça, il nous reste de l'argent, on a la possibilité d'acheter des cartes à la taverne pour 1$ à place de 2, un maximum de 2. Mais si on n'a pas d'argent, on fait rien. On fait juste perdre notre tour. Donc, on peut pas améliorer notre bateau, on gagne pas de points de victoire, on gagne pas d'autres éléments. Moi, ça m'est arrivé 3-4 tours en ligne au début. Ça fait qu'on prend vraiment du retard sur les autres. Mais j'ai quand même bien remonté la pente. J'étais arrivé 3e finalement, à place d'être dernier. Là, j'étais quand même fier de moi. Je pensais vraiment finir dernier. Donc, c'est ça. C'est un petit peu plate pour ça. Mais bon, à ce moment-là, on peut toujours réussir avec de la bonne tactique, mais il faut être chanceux. Il faut pas trop tomber souvent sur le méchant Barbe Noire ou les autres pirates très très forts. Puis si on est chanceux, ça, on tombe jamais sur les îles de nos amis. Puis là, dans les cartes tavernes aussi, vous pouvez avoir des perroquets qui donnent, que vous mettez sur votre bateau, qui donnent un super pouvoir à votre bateau. Comme il y en a un que ben vous n'êtes pas obligé d'avoir votre équipage puis vos canons au même niveau pour tirer avec toutes les dés. Il y en a d'autres comme ça. Puis il y en a qui donnent des points de victoire, il y en a d'autres qui donnent d'autres genres de pouvoirs. Comme à la place de faire la navigation au secret, puis tout le monde fait go! Mais on peut demander tour à tour, puis être le dernier. Là, si vous jouez stratégique, c'est ça. C'est que là, on check où est-ce que tout le monde va, puis après ça, on fait moi, je m'en vais là, il n'y a pas personne, t'as la paix. Et là, ben, si t'es chanceux, Barbe Noire ne viendra pas tirer dessus. Et là, ça te donne un tour au moins de break. Il y a différentes cartes comme ça qui peuvent venir changer la donne vraiment beaucoup, sans farce. Mais moi, j'ai pas été chanceux là-dessus. J'ai pas panié de cartes perroquets qui auraient fait que mon bateau était super puissant à la fin, qui aurait pu clencher tout le monde. Mais bon, un excellent jeu, sans farce. Encore une fois, c'est facile. Les deux, comme vous avez vu, là, les règles sont très simples. C'est pas compliqué. Ça s'apprend rapidement. Puis on peut commencer une partie en dedans d'à peu près 10 minutes d'explication, même pas. Puis en soi, on apprend rapidement. C'est pas des jeux compliqués. Donc c'est ça, des phases de navigation au début, après ça c'est le combat, le pillage, les effets des îles, parce que pour monter votre bateau, disons que vous voulez monter votre voile, c'est ça qui rend stratégique, vous devez vous aller sur une île où il y a la voile. Donc, si vous voulez monter votre bateau, vous n'avez pas le choix de le monter pour être compétitif, ben vous devez vous promener. Faut pas que tu aies la même idée en même temps que quelqu'un. C'est en plein ça. C'est juste ça. C'est ça qui fait que ça peut être stratégique. Puis qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de croiser quelqu'un parce qu'on veut monter notre canon avec l'autre. Donc, il faut penser à notre affaire. C'est vraiment intéressant. Donc, la crique des pirates. Pour le prix, par exemple, j'ai pas le temps de chercher, mais vous allez chercher ça dans vos magasins. Là, vos, ça peut pas être pire que Zombicide. Non, c'est sûr. Vos conseillers ludiques mais en magasin. Zombicide vaut la peine. Oui. Vos conseillers ludiques en magasin vont pouvoir vous donner ça. Et on y va, M. Castegan, pour la dernière chanson de Puissance Maximale et Sequoia FM. Et après ça, en nouvelle ludique rapide. Et ce sera bien évidemment Puissance Maximale par Z et ses disciples. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de Sequoia FM 88.3 à Québec. Puissance maximale. Capitaine interstellaire, viking du nord, pirate du sud, choisis ton jeu, choisis ton camp, sois prêt à te battre sur le champ. Deviens axe ou allié, fais un blocus à ton ennemi. C'est le combat pour ta survie. Les dés sont lancés. Puissance maximale. Arrivé à Catan, comme des aventuriers du rail, ils veulent construire leur arsenal. Que tu sois de San Juan, de Carcassonne ou de Cuba, c'est la guerre, c'est la junta, et le meilleur de nous vaincra. Puissance maximale. C'était l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Puissance Maximale de Z et ses disciples. Et on va y aller rapidement avec des nouvelles ludiques. Quatre nouvelles rapides. Premièrement, Nintendo annonce la 2DS. Ils ont annoncé ça hier. Je dirais, what the fuck? Premièrement, console portable en forme de pointe de gâteau, c'est une mauvaise idée. Oui. Donc, en d'autres mots, rapidement, 40$ de moins que la 3DS. C'est une 3DS qui se plie pas, donc très grosse, avec les formats d'écran de la 3DS normale, non pas XL. Et dans le fond, DDS, parce qu'ils ont tout enlevé les fonctionnalités de 3D pour vous permettre de jouer au jeu de 3DS sans l'effet 3D. Qu'est-ce qui est complètement ridicule, parce que la 3DS, on peut enlever le mode 3D et mettre un contrôle parental si vous avez des enfants de moins de 8 ans. Donc, c'est complètement stupide. J'avais pu un public jeune. Ouais, ben à cause du 3D, parce que là, il y a des parents qui ont peur à cause de la 3D. On vous informe, si vous êtes un parent, vous songez à acheter une 3DS, mettez le 40$ de plus, achetez une 3DS, ou mettez un petit peu plus pour acheter la XL, bloquez le 3D avec le contrôle parental. Alors, une console plus compacte. C'est plus compact, qui se traîne mieux, et votre enfant n'aura pas des mal ou moins à cause d'une forme ergonomique, mais pas très douteuse. Voilà, prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle, Humble Bundle Origin bat tous les records, on en avait parlé. Qui est un Humble Bundle avec plein de titres de EA et compagnie sur Origin et Steam. Oui. Donc, on parle d'à peu près 2,1 millions de bundles qui ont trouvé preneur. Qu'est-ce qui est un record dans la campagne? Hourra! Prochaine nouvelle! Prochaine nouvelle! Assassin's Creed 3 sera le jeu gratuit pour les abonnés de PlayStation Plus. Il est disponible depuis hier. Si vous voulez vraiment, mais bon. Bon, il est gratuit. Bon, c'est ça, c'est gratuit. Ça vous permet d'y jouer. Après ça, dernière nouvelle, le nouveau trailer de GTA V est sorti aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais je suis sûr qu'il est, ma foi, très très hot. Il y a eu une nouvelle de propos des informations sur les radios de GTA V. Parce que, comme vous savez, GTA, les radios sont cool, le monde aime ça. On parle de 240 morceaux, donc 14 chaînes de radio. Donc, un nouveau record dans le cas de GTA. Et voilà, merci beaucoup, M. Castegan. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Et quand je dis la fin, c'est la fin à Sequoia FM. Je remercie toute l'équipe de Sequoia, le CA, depuis les 5 dernières années qui ont collaboré, qui ont supporté Puissance Maximale. Je remercie l'ancienne équipe qui était là aussi, François Gécouillard, Vincent Langlois, Guillaume Forand, entre autres, qu'on a connu beaucoup. Merci les gars d'avoir été là. Merci aux auditeurs d'avoir suivi Sequoia. Continuez d'écouter Sequoia. On vous rappelle que nous, on s'en va à CJMD 96.9 à Lévis. Mais surtout, surtout, continuez d'écouter Sequoia parce que c'est une radio différente à Québec, un joyau radiophonique, je le répète, mais je le pense sincèrement. Écoutez, continuez à écouter Sequoia. Nous, on va le faire, en tout cas. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, www.puissancemaximale.com pour notre site Internet. Écoutez nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Allez aussi sur Facebook, Puissance Maximale, dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Et pour continuer à nous suivre pour les prochaines nouvelles et pour la deuxième vie de Puissance Maximale, continuez à nous suivre là-dessus. Et on vous souhaite, en terminant, une excellente semaine et surtout une excellente vie de jeu. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D.